إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله النظر في الآيات سبيل للبصيرة والادكار وقائد للإيمان واليقين وطريق لامتلاء الجنان بتعظيم المولى ومن أعظم الآيات التي أمر الله جل وعلا بالتفكر فيها والنظر إلى عجيب صنعها نفوسنا التي بين جنبينا يقول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون أولم يتفكروا في أنفسهم بل جعل سبحانه التأمل في تلك النفوس دليلا موصلا لاستقرار التوحيد في القلوب يقول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولهذا كان العلم بما يصلح هذه النفوس أعظم العلم وأجدره بالطلب والإعاب فالمرء بنفسه يرتفع بها ويخفض ويشقى بها ويسعد ويصلح بها ويفسد ويحيا بها ويموت ومن أعظم ما يصلح النفوس تزكيتها حين تطهر من دنس الأخلاق ورجس الذنوب وتحلى بزكي السجايا وصالح العمل فيزداد خيرها ويذهب شرها إذ ما جلبت عليه من السوء أكثر مما جلبت عليه من الخير ولذا كانت من أكبر الأعداء وكان الجهاد معها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه رواه الترمذي عباد الله إن تزكية النفوس من كبرى مقاصد الرسالات الإلهية وبعث الرسل أو بعث الرسل فقد قال الله لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وقال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه أحمد وتزكية النفس سبيل فلاحها وسلامتها من عقبى الخيبة كما أكده المولى جل وعلا بأحد عشر قسما والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وبتلك التزكية يذاق طعم الإيمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. وذكر منها: وزكى نفسه، رواه الطبراني وصححه الألباني. ودرجات الجنة العلى جزاء لمن تزكى. يقول الله تعالى: من يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علو ذلك النزل في قوله: إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما، رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. عباد الله، إن زكاة النفس منة يكرم الله سبحانه وتعالى بها من سبقت له الحسنى لديه، تفضلا ورحمة. يقول الله سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. وإن طلب المكلف تلك المنة فرض لازم عليه، وذلك بفعل ما تزكو به نفسه من الأعمال التي شرع الله جل وعلا. وأعظم تلك الأعمال توحيد الله سبحانه وتعالى، فالتوحيد أعظم ما تزكي به النفوس أو ما تزكى به النفوس، والشرك أقبح ما تنجس به النفوس. ويقول الله سبحانه وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ومعنى الزكاة في هذه الآية التوحيد. والصلاة من خير ما تزكي به النفس أو ما تزكى به النفس، خاصة المكتوبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا، رواه البخاري ومسلم. والصدقة الواجبة والمستحبة من سبل تزكية النفس. يقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وغض البصر من رؤية الحرام مما تزكو به النفس. يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والدعاء سبب قوي لحصول التزكية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات ويعلمها أصحابه: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رواه مسلم. ومراقبة الله جل وعلا واستحضار قربه مما تزكي به النفوس أو مما تزكى به النفوس. بل فسر النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفس به، فقد سأله رجل: ما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، رواه الطبراني وصححه الألباني. ومحاسبة النفس سبيل لتزكيتها. يقول ابن القيم رحمه الله: إن زكاتها وطهارتها موقوف على محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح البتة إلا بمحاسبتها. ويقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن والله لا تراه إلا قائما على نفسه. ما أردت بكلمة كذا، ما أردت بأكلة كذا، ما أردت بمدخل كذا ومخرج كذا، ما أردت بهذا مالي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا، ونحو هذا من الكلام. فمحاسبتها يطلع على عيوبها ونقائصها، فيمكنه السعي في إصلاحها. والتوبة إلى الله والإنابة إليه جادة التزكية. يقول الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك ترك المعاصي، فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، ومثل الدغل في الزرع، فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن. وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته، حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة، واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه. عباد الله، والتزكية وصف خفي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم حقيقته، فلا يجزم بتزكية مخلوق مهما بلغ في تقاه. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل لا يغدو من بيته ومعه دينه، فيأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقول: والله إنك كيت وكيت، ويرجع إلى بيته وما معه من دينه شيء. ثم قرأ: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. وأثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. رواه البخاري ومسلم. بل كره أهل العلم أن يسمى المرء باسم فيه تزكية له، كمؤمن وزكي وإيمان وصلاح الدين. قال محمد بن عمرو بن عطاء رحمه الله: سميت ابنتي برة، فقال لي زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah, préparez-vous pour la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Parce que personne d'entre nous ne sait quand est-ce que cette rencontre aura lieu. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 20 ans? Personne ne sait quand il va mourir. Alors, faites l'effort de chercher à vous repentir avant que vienne l'ange de la mort. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets dans le Coran, il nous a ordonné de méditer sur la création et d'observer ce qu'il a créé dans la création. Et il a appelé ce qu'il a créé dans l'univers des signes. Des signes parce que ce sont des éléments qui sont placés devant nous dans le but de nous faire réfléchir, dans le but de nous faire comprendre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le but de nous faire comprendre également sa sagesse et sa toute-puissance. Et lorsqu'on observe les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créées, eh bien c'est des choses qui nous font comprendre réellement sa grandeur et sa perfection. Et parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'observer, c'est justement notre âme. Comment il nous a créé en nous-mêmes. Et ça, déjà en soi, c'est un grand mystère. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il te demande au sujet de l'âme. Dis, l'âme fait partie de l'ordre de mon Seigneur, de son commandement. Et vous n'avez été, on vous a donné de la science à ce sujet-là que très peu. L'être humain, la réalité de ce qui le fait vivre et de l'âme qui est dans son corps, c'est quelque chose qui lui échappe. Beaucoup de gens essaient de la comprendre, cette âme, mais elle dépasse l'entendement. Tout ça pour nous faire comprendre que cette âme, elle a une grande importance et que notre salut en dépend en réalité. Parce que selon le fait que quelqu'un va avoir une âme qui est saine et pure ou une âme qui est sale et corrompue, eh bien c'est ce qui va déterminer justement qu'est-ce qui va lui arriver dans l'au-delà et quel sera son sort. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets dans le Coran ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rappelé que la vraie lutte et le vrai combat, en réalité le plus grand combat que l'être humain aura à faire dans son existence, eh bien c'est en premier le combat qu'il a à faire contre son propre âme. Il doit lutter contre son propre âme pour faire en sorte qu'il soit capable justement de résister à toutes les tentations de ce qui peut l'amener vers le péché ou la désobéissance ou la mécréance. Et il doit lutter également pour rester sur la droiture, rester sur l'obéissance, faire les ordres, respecter les obligations. Et ça, c'est clair que quelqu'un, s'il n'a pas fait la lutte contre son âme, il ne sera jamais capable d'y arriver. Et donc cette lutte, bien entendu, elle a des conditions, ou bien plutôt, elle nécessite certaines choses pour être capable de la mener correctement. Premièrement, elle nécessite la science, parce que sans science, tu vas perdre cette bataille. Ça, c'est certain. Et quand on parle de la science, on parle bien entendu de la science de ce que Allah nous a révélé dans le Coran et de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans la sunna. Et ça, c'est la base de toute science pour connaître Allah, connaître sa religion, connaître son prophète, connaître son tawhid. Et ensuite, tu dois le mettre en pratique et mettre en pratique cette science que tu as apprise. Ça, c'est parmi les choses qui sont à la base de cette lutte. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le vrai mujahid, celui qui fait le jihad, c'est celui qui lutte contre son âme, contre lui-même. Et donc, ton plus grand ennemi, c'est toi-même en réalité. Et si tu n'as pas été capable de gagner cette bataille contre toi-même, tu ne seras pas capable de gagner les batailles contre les autres. Donc, commence par toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a fait référence à cette purification de l'âme, qu'on appelle en arabe « tazkiyatun nafs », le fait de purifier, « tazkiyah ». Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ses messagers justement pour purifier les hommes, pour que les hommes, par le message qu'ils nous enseignent, soient capables de purifier leurs âmes. Et l'exemple de Moussa alayhi salam qui a été envoyé à Pharaon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet-là dans le Coran, « Va vers Pharaon, il a certes transgressé. » Il dit lui, « Veux-tu que je t'enseigne une façon de te purifier ?» Hein, et que je te guide vers ton Seigneur pour que tu puisses le craindre. Et dans le Coran, il y a aussi la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes, nous avons fait la grâce et la faveur sur les croyants lorsque nous avons envoyé parmi eux un messager de par eux-mêmes qui leur récite ces signes et ces versets et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse. Alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, comme il l'a dit, pour compléter et parfaire le meilleur des comportements et le plus noble des comportements. Il mentionne également dans d'autres versets, par rapport à l'âme, il dit, « Qad aflaha man zakkaha » Celui qui l'a purifié, certes, il a eu le succès. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا Et celui qui l'a corrompu, qui l'a sali, hein, il a certes perdu. Et donc, la purification de l'âme devrait être une de nos priorités, sinon la priorité. Mais là reste une question maintenant, à savoir, si on veut purifier notre âme, comment on doit faire? Il y a la méthode des prophètes qui nous a été enseignée par les messagers et il y a la méthode des kuffars et des mushrikines et des gens de bid'a qui ont innové et inventé des formes de purification qui sont en réalité d'autres moyens de se salir et de se corrompre l'âme. Et eux, ils présentent ces moyens-là comme étant des méthodes de purification, mais c'est en réalité une ruse du shaitan. Donc il faut faire attention. C'est pas tout ce que les gens prétendent être une forme de purification de l'âme qui est réellement une forme de purification de l'âme. On n'a rien à inventer dans ce domaine-là. On n'a rien à essayer d'inventer ou imaginer. Tout nous a été enseigné et tout nous a été montré. Mais il y a des gens qui cherchent ailleurs pour essayer de trouver des formules magiques ou des raccourcis pour la purification de l'âme. Mais sachez que c'est des chemins vers l'égarement. Et il n'y a donc pas d'autre solution, si tu veux purifier ton âme, que de te limiter et de t'accrocher à la révélation, au Coran et à la Sunna. Et parmi les méthodes, le plus important pour purifier son âme, c'est d'apprendre et de connaître et de mettre en pratique la croyance islamique en l'unicité d'Allah. De purifier toute ton âme, toutes tes actions, toutes tes paroles, tout ce que tu fais comme adoration, de les faire que pour Allah. Et de te débarrasser ton cœur, ta langue et tes actions de toute forme de shirk et d'association avec Allah. Et ça, c'est la base de la purification. Si quelqu'un n'a pas purifié son tawhid, il peut faire ce qu'il veut des actes et des paroles de bien, Allah n'en acceptera pas du tout. Il ne l'acceptera pas, parce qu'il n'accepte que ce qui est fait avec pureté, avec ikhlas. Et lorsqu'il y a du shirk dans une action, eh bien, cette action-là sera rejetée. Il y a des gens qui négligent cet aspect-là, et qui se concentrent sur d'autres moyens, et qui oublient le plus important. Également, parmi les formes de purification, l'établissement de la salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé justement le fait d'établir la prière 5 fois par jour à quelqu'un qui habite devant une rivière et qu'il va s'y laver 5 fois à chaque jour. Il a dit, est-ce que celui qui se lave 5 fois dans cette rivière à chaque jour, est-ce qu'il va rester sur lui des saletés? Et ils ont dit, il ne va pas rester sur lui aucune saleté. Il a dit, alors ça c'est l'exemple de l'un d'entre vous. Et Allah, il purifie cette personne et efface ses péchés à chaque fois qu'il fait ses 5 prières par jour. Parmi les exemples de purification, il y a aussi la sadaqa. Qu'elle soit obligatoire ou recommandée, Allah purifie les croyants par cette sadaqa. De même que le fait de baisser le regard lorsqu'il y a des choses interdites dans notre champ de vision, de baisser de notre regard pour ne pas voir ce qui risque justement de corrompre ou salir notre âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également faisait énormément d'invocations et de dua, et il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier son âme. Donc le dua fait partie des moyens de purification de l'âme. Il disait, oh Allah, donne à mon âme sa piété, purifie-la, c'est toi le meilleur qui peut la purifier. Tu es son Seigneur, son maître. Hein? Et donc, il faut demander à Allah la purification de notre âme. Également, parmi les moyens de purification, c'est de se faire des comptes à soi-même, de se demander des comptes à soi-même et à notre âme. Donc tu te remets en question, tu te fais ton jugement, ton propre jugement à toi-même. Le soir quand tu rentres chez toi, tu te juges. Avant que Allah te juge, tu te juges toi-même. Pourquoi j'ai dit ça aujourd'hui? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ce que je devais faire? Pourquoi j'ai fait ce que je devais pas faire? Pourquoi j'ai regardé ce que je devais pas regarder? Pourquoi j'ai pas baissé le regard? Pourquoi et tu te fais des comptes à toi-même et tu juges ton âme et tu essaies de la redresser. Pourquoi j'ai mangé ça? Pourquoi je suis allé à tel endroit? Pourquoi j'ai marché dans telle direction? Pourquoi je suis pas allé dans l'autre? Et en faisant ça, eh bien ça va t'aider à te corriger toi-même, à corriger tes œuvres, corriger ton âme, purifier tes actions et tes paroles et tout ce que tu fais dans ta vie. Hein? Donc, te faire des comptes à toi-même, ça c'est fondamental. De même que, bien entendu, la repentance, de demander pardon à Allah, de te réformer, de te purifier. Lorsque tu as commis des péchés, Allah, il est pardonneur. Alors, tu lui demandes pardon. De même que, il faut savoir, et on va terminer avec ce point-ci, qu'il n'est pas il n'est pas permis en islam d'exagérer dans la glorification des gens, et surtout lorsque ces gens-là sont devant nous, de leur faire des éloges ou des gros compliments, puis de les élever. Pourquoi? Parce que c'est dangereux du fait que il est possible que cette glorification-là monte dans le cœur de cette personne et fasse qu'elle se pense par la suite importante au point où ça lui monte à la tête et elle commence par la suite à s'égarer à cause de ça. Donc il faut être modéré dans les glorifications qu'on fait des gens, et même si on voit chez cette personne des signes de piété ou d'obéissance à Allah, lorsqu'on veut dire quelque chose du bien devant cette personne, on dit je pense cette personne être pieuse. Mais c'est Allah qui le jugera. C'est Allah qui sait la réalité de cette personne. Et je ne vais pas glorifier ou purifier une personne au-dessus d'Allah ou par-dessus Allah. Parce que Allah sait la réalité de cette personne. Et donc, on va terminer avec ce point-ci. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.